Sud, ni Mungere. Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce journal, la toute dernière édition de ce dimanche. Donc voici les principaux titres. Le parti Sawanyef Debout vient de se doter de nouveaux organes. Honorable Pierre Claver Nahimana vient d'être élu président du parti Sawanyef Debout, alors que Leros Nguenda Koumana a gardé sa chaise de vice-président du parti. Et le gouvernement burundais a déjà entamé une réforme pour la prise en charge médicale sur base des cartes d'assurance maladie CAM. Pourquoi? Des explications. C'est tout de suite avec le ministre de la Solidarité au Burundi, Martin Ivyabandi. Et les paniers importés frauduleusement de la République démocratique du Congo influencent négativement ces fabriqués localement au Burundi. Confirmation du chargé du personnel à la société Afis Textile qui n'a pas de problème de devise malgré certains produits chimiques importés ailleurs. Et dans la chronique nutrition de ce dimanche, le nutritionniste Athanase Nianogeye qui s'est entretenu avec Gertrude Mawenayo indique que les trois grands groupes d'aliments sont constitués de produits alimentaires différents et appelle les personnes d'une âge dépassant 40 ans à songer à réduire la consommation de certains de ces produits. Voilà pour le sommaire. Eli Kadogo assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir, page politique pour débuter ce journal. Le parti Sawanyef Debout vient de se doter de nouveaux organes. Dans un congrès extraordinaire tenu ce dimanche, a été élu président du parti honorable Pierre Claver Nahimana, qui assure le poste du secrétaire général du parti. Il remplace Frédéric Evanvouguignoumvila, toujours en exil. Léon Senghenda Koumana a gardé son fauteuil de vice-président du parti. Avant d'entrer au studio, notre confrère reporter sur place nous faisait signe que les élections restent en cours pour élire le secrétaire général du parti. Cependant, dans le moment d'ouverture, Léon Senghenda Koumana, le vice-président, avait indiqué que le congrès a comme objectif la redynamisation de ce parti en vue de poursuivre l'œuvre inachevée par le héros de la démocratie, président Ndadaye Melchior. Et la communauté islamique du Burundi, Komibou, appelle les musulmans et tous les Burundais à sauvegarder la paix. Cheikh Sadiq Kadjande, représentant légal de cette communauté, l'a dit ce dimanche lors de la clôture d'une conférence sous-régionale de la Komibou, Université internationale africaine de Khartoum, sur le maintien de la paix dans les pays des Grands Lacs. Ce leader de l'islam au Burundi trouvait que la paix est une condition sine qua non pour que la vie du pays se porte bien. Je vous prie de le suivre dans une traduction de l'Inibel Nibikil. Ce dimanche, 8 juillet 2018, nous venons de clôturer cette conférence. Nous souhaitons que les participants dans cette conférence, qui vont revenir dans leur ménage et dans leur pays respectif, qu'ils démontrent d'abord que le Burundi est un pays pacifique. De plus, comme des délégations de différents pays des Grands Lacs, comme le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et la République démocratique du Congo, que tous partent avec des messages de paix. Car sans paix, cette conférence ne pourrait pas se tenir. Sans paix, il n'y a pas d'activité. Vous comprendrez que la paix est indispensable, une condition sine qua non pour que tout le monde puisse vivre dans une harmonie. Les musulmans ne se détestent pas. Ils ne considèrent pas les idéologies ethniques ni religieuses. C'est pourquoi je demanderai à tous les Burundais de se référer aux musulmans et surtout les politiciens, parce que les politiciens cherchent des raisons imaginaires pour perturber la paix. Nous leur demandons de ne pas perturber la paix, mais plutôt de faire un bon langage pour leur pays, lui chercher des moyens afin qu'il revienne à son nom, de lait et du miel. C'était Cheikh Sadiq Kadjandi, le représentant légal de la communauté musulmane au Burundi, Komibou. Et une réforme est en cours pour la prise en charge médicale sur base des cartes d'assurance maladie CAM. Cela est dit par Martin Ivyabandi, ministre de la Solidarité au Burundi. Il indique que cette réforme est causée par quelques problèmes comme la non-prise en charge des malades comme il le faudrait. Le ministre de la Solidarité invite toute personne à s'impliquer pour que les mutualités soient une réalité au Burundi.

Merci à Gertrude Mawenayo. C'est la fin de cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que le parti Sawanya Frodebou vient de se doter de ses nouveaux organes. Pierre Claver Nahimana vient d'être élu président du parti. Il remplace Frédéric Bamvou Guignoum Villaléonce Nguenda Koumana est resté vice-président du parti, alors que le secrétariat général du parti, on apprend qu'il revient à Oswalde Nakarutimana. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eli Kadogo pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niomongere. Bonne soirée dominicale à tous. Au revoir.